Ok. Zicler. Ouais, ouais. Massillon. L'esprit chaotique. Putain. Mon frère, écoute. Ok. Putain, je vais mal, être agent, je sais pas ce que ça signifie. Le diable m'a dit s'initie. Et dans le mal, Zicler s'initie. Depuis tout petit, je me bats contre moi-même, un match à la loyale. Ma vie, je la vois mal. Dans la merde, elle nage et la noyade. Je sais pas pourquoi, je veux pas taffer car la paresse m'abrite. Pas question que t'arrêtes ma trique. Alors MC caresse ma bite. Moi, j'attends le bonheur, je crois qu'il se branle ou il pionce le bâtard. En attendant, je roule des gros joints, je bois des bières et je pionce le paplard. En 2008, la femme passe de pétasse à la chienne. Je lâche des phases à la paix. Et je roule que des masses à la chaîne. Tout le temps, je galère à bloc. Je suis comme un mec qui bouge pas de sa tour. Quand les douilles partent, ça court. Je veux pas me faire plomber comme Tupac Shakur. La rage au ventre, mais tu verras pas mes gastors. T'inquiète, un jour Zicler baisera la Fnac et le Virgin Megastore. Ouais, ouais. J'sais pas ce que je serais, moi je m'imagine pas 20 ans plus vieux. Peut-être un père de famille ou un pauvre clochard sous un temps plus vieux. On a la dalle, mais pas la peine que la BAC s'active. On a la dalle, mais c'est la panne et y'a pas d'actif. Moi j'écris des textes, vu que je sais pas faire grand chose d'autre. Sur des prods on dose, mais c'est la drogue que ma branche endosse. On a la dalle, mais pas la peine que la BAC s'active. On a la dalle, mais c'est la panne et y'a pas d'actif. Moi j'écris des textes, vu que je sais pas faire grand chose d'autre. Sur des prods on dose, mais c'est la drogue que ma branche endosse. À la vie quand y'a ta peu du reggae de Marley. Si j'ai pédave, on peut parler. Je veux que des crosses, pas de bonne Harley. Ouais, je vais pas bien. En gros, je suis comme un rappeur calme et pris. Quand j'ai de l'inspi, mon carnet écrit. Il attend que je me calme et pris. Y'a pas de mépris. Si tu parles bien et que t'aimes pas Procora. Un gros fond de gorge et une grosse bite dans le cul, c'est ce que le proc aura. Ça fait 5 piges que ça rappe, t'es mal à progression. Ouais, ouais. C'est Zicler, le drogué son. Quartier sud, c'est les pros des sons. Des fois, je me barre en couille sur la route de l'enfer, j'empiète en pile. Le pète en pute à fou. Passe-moi un mic, il faut que je pète en pute. Je suis un gros tox, mais pas comme toi, connard. Moi, je reste au chi. Fais pas le trou de balle, c'est pas le dealer du coin qui bouffe, on reste au chi. Sur les bâtards de keuf, je veux voir les douilles cavaler. Ils font pas les doux cavaliers. Avec ces putes, y'a trop pou cavaliers. Dans le rap, mon frère, je mets des coups de pompe à la marque d'Acasco. Si clair, tu peux pas dire le contraire, tu remarques la bastos. On a la dalle, mais pas la peine que la BAC s'active. On a la dalle, mais c'est la panne et y'a pas d'actif. Moi j'écris des textes, vu que je sais pas faire grand chose d'autre. Sur des prods on dose, mais c'est la drogue que ma branche endosse. On a la dalle, mais pas la peine que la BAC s'active. On a la dalle, mais c'est la panne et y'a pas d'actif. Moi j'écris des textes, vu que je sais pas faire grand chose d'autre. Sur des prods on dose, mais c'est la drogue que ma branche endosse. Moi je veux qu'on dise Zicler dans le rap, il sa musique claque, il abuse, il plaque. C'est normal, il fait pas de musique là. C'est mal foutu, je finirai ouvrier. Putain, je suis né dans le fer. Avec un bloc de shit, un gros de feuille. Et puis un nez dans le verre. La force, tout le monde la baisse. C'est une crasseuse, elle a la chatte cradée. Le bonheur, j'ai perdu, putain de sa race. Faut que j'appelle Jacques Pradel. Ouais. Toi, tu parles trop. Au bout du compte, on voit l'audace qui part. La perte godasse qui part. T'es comme ta femme, une vieille connasse qui part. J'ai l'esprit chaotique, le mal me bouffe. J'ai ta du mental. Les clients cannes, y'a pas tarfou. C'est hardcore comme une clim en panne. Ta femme est à quatre pattes en train de gueuler dès que tu pars tard bosser. J'écoute pas les salopes rapper. Encore moins les bâtards posés. T'as cru qu'on était calme, mais on t'a pas encore montré nos vices. Dans le rap, t'es très novice. Tu veux rimer, monte sur mon traîneau fils. C'est trop hardcore. Dis-toi que dans le monde, un petit caresse un glock. Moi, je veux que de la technique dans mes oreilles. Je mets du phare et ça bloque.